Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2. Sixième instruction, pour la fête de l'Annonciation de Marie le 25 mars. De déluge, dont l'un fut bien plus terrible et plus épouvantable que l'autre, avait inondé la terre, l'un la couvrit d'eau, l'autre de péché et comme le déluge d'iniquité avait corrompu tous les hommes, ainsi le déluge d'eau les extermina tous, à la réserve de la seule famille de Noé. L'inondation commençait à cesser, le saint patriarche voulut s'assurer s'il était temps de retourner sur la terre, à cet effet il fit envoler hors de l'arche une blanche colombe, mais celle-ci, ayant promené de tous côtés ses regards, ne vit aucun lieu où elle pût se reposer, elle revint donc vers celui qui l'avait envoyée, indiquant assez clairement par là comme une messagère fidèle, que la terre n'était pas encore redevenue habitable. Elle fut peu après lâchée une seconde fois, et heureusement elle trouva une branche d'olivier qui s'épanouissait, elle s'y reposa, et en ayant détaché un léger rameau, elle l'emporta, comme pour attester qu'il se trouvait encore sur cette terre de malédiction, et en face de l'inondation universelle, quelque chose de pur. Noé connut suffisamment par là qu'il était temps enfin d'ouvrir l'arche, et de retourner dans ces lieux où tout n'était pas souillé et impur. Voilà une image frappante de ce qui arriva une autre fois dans l'univers, et que nous avons à considérer en ce jour. Toute la surface de la terre était inondée par la corruption du péché, il ne s'y trouvait rien qui ne fût souillé par cette fange pestilentielle. Le Père Céleste, voulant user de miséricorde envers le monde, cherchait, pour m'exprimer ainsi, si le moment des miséricordes était venu. Le Divin Esprit, selon notre manière de parler, vint plusieurs fois considérer la terre, et là s'il la vit toute souillée, et ne rencontra aucun lieu où il put trouver un séjour agréable. Enfin il arriva que baissant du haut de son trône ses regards sur la terre, ses yeux s'arrêtèrent sur une jeune et tendre vierge, c'était Marie, elle était parfaitement pure, en présence de la corruption universelle et de l'inondation du péché. Elle était en outre chargée des fruits de sainteté les plus exquis, semblable à un olivier fertile qui croît dans la maison de Dieu. Psaume 51, 10, il demeura épris de ses attraits. Ah, il y a donc, se dit-il, il y a sur la terre quelque chose de pur, il s'y trouve quelque chose de chaste et de saint. Il en détacha un léger rameau, il présenta à l'auguste conseil de l'adorable Trinité l'olivier pur et immaculé, il fit remarquer la douceur des fruits dont il était couvert. Mais ce qui fut l'objet spécial de ses complaisances, c'est sa pureté parfaite et sa profonde humilité. Ô Dieu, ces fruits, si rares sur la terre, plurent tellement à la divine majesté, qu'elle résolut d'accomplir, en faveur, si j'ose le dire, de cette plante salutaire, ce qu'elle avait arrêté dans ses décrets éternels. L'Esprit de Dieu vint une seconde fois, il descendit dans le sein de la Vierge et y fit sa demeure. Le Verbe éternel y trouva un délicieux séjour, ainsi fut consommé le sublime mystère de l'incarnation. La paix se rétablit enfin entre la terre et le ciel, entre Dieu et les hommes, les portes que le péché avait fermées se rouvrirent de nouveau, nous respirons. Nous nous sentons inondés de joie à la vue du ciel ouvert et de notre Dieu réconcilié avec nous. Voilà, mes frères, voilà le prodige qui s'est opéré en ce jour, c'est le sujet que nous avons à méditer aujourd'hui, avec les sentiments de la plus vive reconnaissance, et envers Dieu, qui daigna baisser à ce point son infinie majesté, et envers Marie, qui eut une si grande part à l'œuvre merveilleuse de notre réparation et de notre salut. Oui, soyons reconnaissants, ô dévots de Marie, soyons reconnaissants envers Dieu, soyons-le aussi envers Marie, 2 Corinthiens 9, 15, et afin d'exciter de plus en plus les sentiments de gratitude dans votre cœur, je veux que nous nous entretenions de la grandeur du bienfait de l'incarnation divine opérée dans les chastes flancs de Marie. Nous trouverons ce bienfait étonnant, immense, sous tous les aspects, soit que l'on considère l'état dont nous avons été tirés par la bonté divine, soit que l'on considère celui où elle nous a placés, soit enfin que l'on considère le moyen surprenant et extraordinaire par lequel il voulut exécuter ses merveilles. Commençons par la première de ces considérations. On ne pourrait convenablement apprécier l'habileté d'un médecin d'après une cure faite par lui, si l'on ne connaissait la gravité du mal ou de l'infirmité dont il a procuré la guérison. De même, on ne pourrait évaluer le prix de la rédemption si l'on ignorait de quel déplorable esclavage elle nous a délivrés. Jetons donc un coup d'œil sur le misérable état où nous nous serions trouvés, si Dieu dans sa miséricorde n'avait été ému de compassion pour nous. Dieu, cet être incréé, infini, souverainement parfait et heureux, existant de toute éternité, jouissait aussi de toute éternité d'une félicité essentielle et immense, sans éprouver la moindre nécessité, sans avoir besoin qu'aucune créature fît la cour à sa majesté suprême. Excité néanmoins par sa bonté, il résolut de tirer du néant une multitude innombrable de créatures de toute espèce, tant spirituelles que corporelles, afin de leur faire goûter quelque chose de l'immense félicité qui réside en lui comme dans sa source. Parmi les créatures auxquelles il voulut donner l'être, se trouva l'homme, qui est un composé admirable de corps et d'âme. Ce fut le dernier des ouvrages sortis des mains du Créateur, ce fut aussi le favori, le benjamin de son cœur. Il se plut à lui consacrer les soins les plus attentifs, au lieu de le tirer du néant par un simple fiat de sa toute-puissance, il tint conseil avec sa sagesse même, et ne dédaigna pas d'employer ses propres mains à le former. Il le créa parfait dans son essence, en tant qu'il est l'image et la ressemblance de son sublime auteur. Sa main bienfaisante, non contente des dons naturels dont elle avait comblé cette créature privilégiée, voulut y ajouter les dons surnaturels. Ayant donc formé l'homme, il l'adopta pour son enfant, et le fit héritier de son royaume céleste. Il le favorisa du don de la grâce, qui, étant une participation de la nature divine elle-même, était tout à la fois un gage précieux, un garant certain de l'héritage qu'il lui tenait préparé. Ce n'est pas tout, afin de rendre plus délicieuse la jouissance du royaume qu'il lui promettait, il voulut en faire, non un pur don, mais une récompense due au mérite. Il le laissa donc en liberté, et lui donna pleine facilité de témoigner sa fidélité volontaire à la Divine Majesté, en lui rendant un libre hommage. Hélas, cette créature si privilégiée de Dieu ne voulut pas longtemps reconnaître la valeur des dons qui lui étaient conférés, elle fit un abus ingrat de cette liberté que Dieu lui avait accordée. Au lieu de s'assujettir volontairement à son empire suprême, elle se révolta contre lui, elle tenta de secouer l'aimable joug de sa dépendance naturelle, liberté, égalité, avait déjà crié Lucifer, dans sa rébellion contre le Dieu de toute majesté, liberté, égalité, égalité, cria l'homme à son tour, mot funeste, qui ne fut jamais assez bien compris, est toujours trop aimé, tant par le père prévaricateur, que par ses infortunés enfants. Adam voulut secouer toute loi, il prétendit s'égaler à Dieu, Genèse 5, 5, et à l'instant le voilà déchu de ce sublime état où Dieu l'avait placé, le voilà dépouillé de ce riche trésor, seul capable de le rendre libre, parce qu'il ne l'assujettissait qu'à Dieu seul, seul capable de le rendre semblable à lui, parce que seul il le faisait participer à la nature divine elle-même. Dépouillé de ses dons, il perdit non seulement pour lui, mais encore pour tous ses descendants, les seuls moyens qui pouvaient le rendre heureux. Dépouillement fatal, funeste effet d'une cause plus funeste encore. À déplore, malheureux, ton aveugle folie, et, les yeux baignés de larmes, cherche où tu pourras te cacher à la face d'un Dieu irrité contre toi. Mais les misères de l'homme, jadis heureux, et maintenant si malheureux, ne se bornèrent pas là. Il se vit chargé de lourdes chaînes, et rendu, non pas libre comme il le prétendait, mais esclave d'un cruel et inexorable tyran. Ajoutez à cela le bannissement du séjour de délices et l'impossibilité d'y rentrer jamais, la perte de tout droit à la gloire et à l'héritage paternel, le joug de Lucifer et les plus terribles châtiments à subir pendant toute l'éternité. Voilà quels furent les premiers fruits de ces enseignes révolutionnaires et de ces mots si séduisants de liberté et d'égalité. Voyez, mon cher frère, voyez, contemplez attentivement l'état où sont réduits nos premiers parents, lisez-y quel devrait être aussi notre malheureux sort. Adam est détrompé, Ève gémit, et tous deux regardent le ciel au-dessus de leur tête, mais ils le voient fermé, et fermé pour toujours, ils contemplent à leurs pieds l'horrible abîme, dont les bouches entr'ouvertes menacent de les engloutir. Ils sentent en eux l'insupportable poids qui les entraîne vers le précipice, ils éprouvent la pesanteur de ces chaînes qu'ils se laissèrent trop facilement imposer, ils gémissent sous la tyrannie de ce maître qu'ils aimèrent mieux servir que Dieu, ils voient en même temps la fatale impuissance qu'ils ont contractée de se relever jamais de cette déplorable et malheureuse condition, tous deux, accablés d'effroi, comprimé par la plus profonde douleur, il se voit réduit à souhaiter que la mort dont Dieu les a menacés, et qu'il ne redoute cependant pas, que cette cruelle mort, dis-je, vienne trancher le fil d'une vie pleine de tourments, pour les plonger dans le gouffre de bitume et de soufre qui est ouvert sous leurs pieds. Voulez-vous vous faire une idée de cette cruelle situation ? Considérez Daniel dans la fosse où il est précipité, entouré de lions furieux, grand Dieu, quelle cruelle position, privé des faveurs de son prince, ignominieusement chassé de la cour, il se voit renfermé dans cette horrible caverne, sans la moindre issue pour s'évader, la porte est assurée et soigneusement gardée, le roi est éloigné et ne peut l'entendre. Tous les courtisans sont conjurés contre lui, pour comble de tourments, il voit ses lions furieux, la crinière hérissée, la gueule béante, prêt à le dévorer. Qu'a-t-il à attendre, sinon la mort la plus cruelle ? Infortuné prophète, je vous plains, que vous me paraissez digne de pitié et de larmes, mais le misérable état où je suis réduit moi-même, réclame d'autres larmes et des gémissements plus amers. Si Daniel a irrité contre lui le roi de la terre, il peut recourir au roi du ciel, qui saura le soustraire à ce péril extrême, mais nous qui avons irrité le roi de la terre et du ciel, à qui pourrons-nous recourir, mon cher frère, qui pourra nous délivrer de ses mains ? Qui pourra jamais nous soustraire au châtiment que nous avons mérité. Pourrions-nous bien espérer d'apaiser sa juste indignation ? Mais il faudrait réparer les torts commis contre Sa Majesté souveraine, que nous avons méprisé, outragé. Or, comment y réussir? Où trouver de quoi offrir une juste compensation? Une offense infinie exige une satisfaction correspondante, ou, si vous voulez, une satisfaction infinie, mais où la trouverons-nous, nous misérables, nous vers de terre, nous ennemis de Dieu, aînés enfants de colère, Éphésiens 2, 3. Il ne nous restait donc à attendre pour notre partage qu'une mort cruelle et inévitable, une mort éternelle. Tel est, mon cher frère, l'état où nous nous trouvions par suite du péché, et tel est aussi l'état d'où il plut au Verbe divin de nous retirer, en prenant un corps dans le sein virginal de Marie. Il nous en a réellement retirés, il a daigné briser les chaînes dont l'infernal ennemi nous avait chargés, il nous a frayé une voie nouvelle vers le ciel, il nous a ouvert la porte qui peut nous introduire à la vie, pour tout dire en un mot. Il nous a sauvés du barbare esclavage, auquel le péché nous avait condamnés. De quels sentiments de reconnaissance et d'amour nos cœurs ne doivent-ils pas être pénétrés envers un libérateur si puissant et si généreux? Ah, disons-le dans toute l'effusion de notre âme, Psaume 123, 7, les filets sont enfin brisés, les funestes liens de la mort qui nous tenaient attachés sont rompus, et nous avons été rendus à la liberté, il nous est permis de respirer, parce que l'ennemi a cessé de faire peser sur nous ses lourdes chaînes. Chantons donc, et rendons gloire au Seigneur. Venez, Marie, vous que figurez l'ancienne Marie, venez et faites résonner les instruments de joie, chantons des hymnes au Seigneur, parce qu'il a fait éclater sa grandeur et sa gloire, chantons, réjouissons-nous, car le superbe Pharaon a disparu, ses chaînes de fer sont rompues, et lui-même est précipité au fond des abîmes. Exode 15, 21. Mais à qui devons-nous tous ces biens? À Dieu, sans doute, comme à la cause principale, cependant on ne peut nier que nous n'en soyons tout à la fois redevables à Marie, comme cause secondaire. Louons, bénissons la Divine Majesté, louons aussi Marie pour l'immense bienfait de l'incarnation divine, qui nous a sauvés du malheureux état où le péché nous avait réduits. Nous devons être incomparablement plus reconnaissants encore de l'état auquel l'incarnation du Verbe nous a élevés. Un homme et une femme nous ont à la vérité causé un dommage immense, mes chers et bien-aimés frères, s'écrie le suave docteur Saint Bernard, nous venons de voir en effet quel mal nous ont causé Adam et Ève, nos premiers parents. Mais grâce à Dieu, ajoute-t-il, grâce éternelle aux dieux de majesté, par le moyen d'un autre homme et d'une autre femme, toute chose a été rétablie dans son état primitif, que dis-je, dans un état infiniment préférable au premier, confère Saint Bernard. C'est là, poursuit-il, ce que l'apôtre Saint Paul nous fait entendre si clairement en disant « Grand fut le délit, grande fut la perte ». Mais soyez-en persuadés, le don que Dieu s'est plu de nous faire, en nous donnant son Fils unique, surpasse sans comparaison ce que nous avions perdu par le péché, ibidem. Oui, la grandeur, l'excellence de l'incomparable bienfait de l'incarnation divine surpasse l'énormité de la perte causée par le péché. Examinons rapidement, mon cher frère, s'il n'en est pas ainsi, calculons donc et disons, si Adam n'avait pas péché, la grâce dont il avait été orné se serait transmise à ses descendants, grâce qui nous aurait rendus enfants adoptifs de Dieu, et héritiers de son céleste royaume. Enrichis de cette grâce nous pouvions, il est vrai, reconnaître Dieu pour notre Père, Mais nous n'eussions jamais pu voir en lui notre frère, ni l'appeler de ce doux nom. La grâce, il est vrai, nous faisait participer à la nature divine, mais cette grâce ne rendait pas également Dieu participant de la nôtre. Au moyen de la grâce, nous jouissions de la ressemblance avec Dieu, mais Dieu ne se glorifiait pas d'être semblable à nous. Nous fussions montés jusqu'à Dieu, mais Dieu ne serait pas descendu jusqu'à nous, au moins de la manière dont il daignait descendre dans le mystère de l'incarnation. Grâce à cet abaissement du Verbe, nous pouvons appeler Dieu non seulement notre Père, mais encore notre frère, depuis qu'il a daigné se rendre tel et adopter ce nom, le premier-né parmi la multitude de ses frères. Romains 8, 29. Non seulement nous nous voyons participants de la nature divine par la grâce, mais nous avons en outre la délicieuse jouissance de voir notre Dieu participant de la nôtre. En contemplant l'enfant Dieu, nous pouvons dire, « Voici l'os de mes os, et la chair de ma chair. » Genèse 2, 23. Non seulement nous pouvons nous élever jusqu'à Dieu, mais nous voyons notre Dieu descendre jusqu'à nous. Nous le voyons habiter au milieu de nous, non par son immensité, ou par sa grâce seulement, mais avec l'humanité adorable dont il s'est revêtu par amour pour nous. Tant que nous serions restés dans le paradis terrestre, nous aurions pu nous nourrir du fruit délicieux de l'arbre de vie, mais un autre arbre, un autre fruit, une autre nourriture nous est présentée. Mon Dieu, ce trait seul serait plus que suffisant pour nous porter à mettre notre félicité présente infiniment au-dessus de celle que nous avons perdue. Nos premiers parents pouvaient-ils dans leur état de justice originelle se nourrir d'un Dieu? Non, sans doute, voilà pourtant ce que nous pouvons faire, et ce que nous faisons en effet toutes les fois que nous nous approchons de la table sacrée, mais qui pourrait assez exalter la magnificence de ce bienfait extraordinaire, qui nous a été réservé, de préférence, je ne dirai pas seulement à Adam innocent, mais même aux esprits bienheureux de la cour céleste. Ah, il me semble que les anges mêmes envient notre sort, et qu'en nous voyant au pied des saints autels, où l'agneau divin nous est préparé en nourriture, ils sont prêts à s'écrier qu'ils voudraient devenir semblables à nous, pour jouir du bienfait incompréhensible qui nous est accordé, et non pas à eux. Mais où, mais comment, mais quand avons-nous mérité une pareille faveur? D'où nous vient un trésor de grâce si singulière, et pourquoi vouloir trouver des mérites quelque part, mon cher frère, notre unique mérite, ce fut la divine bonté, l'amour divin, la miséricorde divine, qui s'est plu à répandre ses dons plus abondamment là où elle vit abonder les misères, les ingratitudes, les iniquités. Disons-le donc sans crainte de nous tromper, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. Chaste épouse du Divin Esprit, Sainte Église catholique, notre Mère, je comprends maintenant ce que veulent dire ces paroles magnifiques que vous faites entendre au milieu du ravissement délicieux de l'amour le plus pur. Au péché d'Adam vraiment nécessaire, qui avait été effacé par un sang si précieux, aux heureuses fautes, qui avaient mérité un si noble réparateur. Au péché d'Adam, je te déteste, en tant qu'offense de Dieu, mais en même temps je dis que tu fus nécessaire, pour que nous puissions participer à des dons si sublimes. Toutefois je ne m'en tiens pas là, mais je me tourne vers vous, ô Père des miséricordes, et dans les sentiments de la joie la plus vive, pénétré de la plus tendre reconnaissance, j'exalte et je loue l'immense bonté que vous avez fait éclater envers nous, et le cœur sur les lèvres, je m'écrie, ô condescendance ineffable de votre miséricorde, ô tendresse inestimable de votre charité, pour racheter l'esclave, vous avez livré votre fils. Confer litania du samedi saint, exultet, nuit de Pâques, proclamation de la résurrection du Christ. Voilà mon cher frère, quels doivent être nos sentiments, voilà quelles doivent être nos louanges et nos actions de grâce envers notre Père Céleste pour un bienfait aussi signalé. Mais en même temps ne pourrons-nous pas manifester à Marie une reconnaissance proportionnée? Mon Dieu, et que pouvons-nous faire de moins? Comment jouir du fruit sans être reconnaissants envers la plante qui l'a produit? Ah, ce ne fut pas seulement le Père Céleste qui nous donna son Fils, Marie, notre tendre mère, nous le donna aussi, confère Saint Bernard. Oui, pour nous racheter, nous serviteurs, nous esclaves du démon, nous condamner à l'enfer, et le Père Céleste, et la Mère, je ne sais si je dois l'appeler terrestre ou céleste, ont livré ce Fils, qui était le Fils commun, propre et naturel de l'un et de l'autre. Et si le Père Céleste, s'adressant à nous, a pu dire en montrant Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé », Matthieu 3, 17, Marie peut en dire autant. Si le Père Céleste a pu dire qu'il a donné son Fils unique pour notre rançon, Marie peut le dire à son tour. Soyons donc reconnaissants envers Dieu, soyons-le envers Marie pour le bienfait signalé de notre rédemption, bienfait immense non seulement à raison de l'état d'où il nous a tirés, mais beaucoup plus à raison de celui auquel il nous a élevés. Il nous reste maintenant à jeter un coup d'œil sur le même bienfait, considéré sous un point de vue nouveau, c'est-à-dire, quant à la manière dont il s'est opéré. Mais, mon Dieu, qui pourrait l'expliquer? Qui nous dira la génération du Verbe éternel? Isaïe 53, 8. Ce qui doit s'entendre, non seulement de sa génération éternelle dans le sein de son Père Céleste, mais encore de sa génération temporelle dans le sein virginal de Marie. Tels furent les prodiges que Dieu a opéra à cette occasion, que des saints pères ont appelé avec raison l'auguste mystère de l'incarnation divine, le miracle des miracles, miraculum miraculorum, la merveille la plus admirable, la plus surprenante, que la main de Dieu puisse exécuter. Je laisse maintenant à part l'union hypostatique des deux natures, divine et humaine, en la seule personne du Verbe incarné, prodige digne de toute admiration, et qui surpasse, au dire de Timius, aussi bien l'intelligence des anges que celle de l'homme. Je ne m'arrête pas non plus à discourir sur la manière admirable et divine, dont la très pure Vierge, sans rien perdre de son éclat virginal, conçue dans ses chastes entrailles, la splendeur de la gloire, l'image de la divine beauté. J'abandonne ces considérations, et autres, à de plus sublimes génies. Et je borne mes réflexions sur l'incarnation divine à ce qui, bien que supérieur à tout mérite de notre part, ne surpasse pas également notre intelligence. Je demande donc pourquoi le Verbe divin, s'il voulait s'incarner, ne forma pas un corps semblable à celui d'Adam, achevé et parfait sans l'entremise d'aucune créature, pour y répandre ensuite une âme raisonnable à laquelle il s'unit en unité de personne, pourquoi voulut-il plutôt se resserrer dans les limites étroites du sein d'une vierge, et s'assujettir à toutes les autres misères inséparables de l'enfance? Les théologiens me répondront peut-être que, pour soulager nos misères, il fallait qu'il les prît sur lui-même. Il dut en tout s'assimiler à ses frères, afin d'apprendre à compatir à leur peine. Cette réponse ne me déplaît pas, et elle me fait connaître de mieux en mieux l'excès de l'amour divin qui a éclaté en cette circonstance. Mais je ne rejette pas non plus la réponse que donne Saint Léon le Grand, de même, selon lui, que la femme avait eu part aussi bien que l'homme à la perte du genre humain. Ainsi fallait-il que l'un et l'autre sexe eussent part à sa réparation et à son salut. Adam ne fut pas seul à commettre le péché, Ève le commit aussi. Jésus-Christ ne voulut pas non plus être seul, il s'associe à Marie. Aussi l'en est ainsi, que nous sommes redevables envers Jésus, que nous le sommes envers Marie. Mais je fais une seconde demande, pourquoi, s'il voulait une femme pour compagne, choisit-il Marie entre toutes les autres? Il n'écouta pas un vain caprice, il ne fit pas exception de personne. Quel fut donc son motif? Dois-je le dire? Disons-le, ce furent les mérites singuliers qu'il remarqua en Marie. Quand je parle ainsi, je ne prétends pas faire entendre que Dieu ait trouvé en Marie des mérites indépendants de sa grâce pour cela, jamais, mais je veux parler des mérites qui ont pour fondement la grâce divine. Ce fut donc d'abord, comme nous l'avons indiqué en commençant, son exemption de toute souillure quelconque, soit actuelle, soit originelle, ce fut sa profonde humilité, ce fut sa pureté immaculée, ce fut la ferveur de son ardente charité. Voyez Cornelius à Lapide in 101 Luc, 30. Ces admirables qualités de Marie furent l'aimant qui attira le Verbe dans son sein plutôt que dans celui de toute autre femme, ô chair, ô doux attrait, que nous vous sommes obligés. C'est donc à vous, après Dieu, que nous sommes redevables d'un bienfait aussi grand que celui de l'incarnation d'un Dieu. Mais puisque vous avez été assez fort pour attirer le Tout-Puissant à nous, au charme ravissant, attirez aussi nos cœurs à vous, attirez-les à Dieu. Je demande en troisième lieu, puisque le Verbe divin voulait prendre une chair humaine dans le sein de Marie, pourquoi ne la prit-il pas? Sans autre formalité, pourquoi voulut-il préluder à l'incarnation par le message d'un ange et le consentement de la très sainte Vierge elle-même? Ne pouvait-il pas, sans faire la moindre démarche, sans même en informer la sainte Vierge, prendre une chair humaine dans ses chastes entrailles? Oui, il le pouvait bien sûrement, cependant il ne le voulut pas. Il désira obtenir auparavant son consentement. Et pourquoi cela? Pour rendre à la Sainte Vierge le plus insigne honneur, et afin que l'obéissance et la soumission de Marie servissent de contrepoids à la désobéissance d'Ève, selon la pensée de Saint Irénée, contre les hérésies livre 5e chapitre 19. Le libre consentement de Marie fut donc, pour m'exprimer ainsi, la dernière disposition que Dieu voulut voir dans notre nature, avant de se l'associer par l'union personnelle la plus étroite. Et ce fut Marie qui, comme cause secondaire, posa cette disposition dernière. Ce fut Marie qui, par ses vertus plus qu'humaines et son libre consentement, attira du ciel en terre le Verbe divin. Marie fut la plante qui l'engendra, non par une nécessité inhérente à sa nature, mais par un libre choix de sa volonté, par un consentement tout à fait libre. Au consentement merveilleux, au fiat prodigieux, le premier fiat, prononcé par le Tout-Puissant, enfanta à l'univers, le second, prononcé par Marie, fit quelque chose de plus, puisqu'il engendra l'auteur de l'univers. Ô femme admirable et sublime, c'est donc à vous, comme à la cause secondaire, que nous sommes redevables du bienfait extraordinaire de l'incarnation d'un Dieu, de l'œuvre de la rédemption opérée par le Verbe divin. Mais s'il en est ainsi, je demande enfin quel peut être le motif pour lequel notre cœur demeure insensible et se montre si froid-tant à l'égard de Dieu, qu'à l'égard de Marie. Le bienfait de notre rédemption, si grand sous tous les aspects, soit qu'on envisage l'état d'où il nous a tirés, ou celui où il nous a placés, ou la marche que Dieu suivit en l'exécutant, ce bienfait, dis-je, mériterait bien d'être payé, non seulement d'attention et d'estime, mais encore par les plus vifs sentiments de reconnaissance et de dévouement tant vers Dieu, qui en fut la cause principale, qu'envers Marie, qui en fut la cause secondaire et comme l'instrument. Nos cœurs devraient brûler d'amour pour Dieu et pour Marie, nos langues devraient sans cesse faire retentir des cantiques de joie, d'amour et d'action de grâce envers Dieu et envers Marie. Nous devrions être constamment occupés tout entiers à rendre gloire à Dieu et à la très sainte Vierge. Quel est donc, mon cher frère, quel est le motif pour lequel nos cœurs sont si froids, nos langues si muettes, nos actions de grâce si rares? Je vous l'avoue, ô dévot de Marie, je me vois dans l'impossibilité complète de résoudre ce doute par une réponse raisonnable et satisfaisante. Je ne saurais trouver la raison d'une chose qui me semble contraire à la saine raison. Je reconnais mon ignorance, je m'avoue incapable de satisfaire aux doutes proposés. Que puis-je donc faire? Ô tendre mère, mère de Dieu, et notre mère, je m'adresse à vous, je vous supplie de faire ce que je ne puis faire. Vous êtes en état d'écarter cette dernière difficulté, parce que vous pouvez nous obtenir une grâce si forte qu'elle brise et amollisse la dureté et l'insensibilité extrême de notre cœur. Obtenez-nous donc la grâce si excellente d'être reconnaissants envers notre Dieu, qui nous a comblés de faveurs en daignant opérer les mystères de l'incarnation et de la rédemption, d'être reconnaissants envers vous qui avez si puissamment coopéré à cet immense bienfait. Par la grâce dont vous avez surabondé, par la grâce que vous avez retrouvée sans l'avoir jamais perdue, exercez envers nous cet acte de miséricorde. Vous avez trouvé la grâce, ô Marie, mais vous savez fort bien que vous ne l'aviez jamais perdue, ce n'est donc pas une grâce perdue par vous que vous avez retrouvée, qui donc l'avait perdue, c'est nous, sans aucun doute. Elle nous appartient donc, nous l'avions perdue, c'est à nous que vous devez la restituer, rendez-nous donc ce qui nous revient. Ah non, je dirais mieux, obtenez-nous ce qui ne peut nous être dû en aucune sorte, excepté par les mérites de Jésus, votre Fils, et par votre intercession, ô Vierge Sainte, qui est devenue aujourd'hui sa véritable mère. Amen. Markham Dan Archive.org 2023, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.